Selon Dr Tadin Dikoumana, porte-parole du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, le ministère a fait face à la flambée de cette maladie dès le début de cette année. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a fait face à une flambée de cas de paludisme parce qu'au début de l'année 2016, on observait chaque mois à peu près 800 000 cas de consultation pour le paludisme. Mais grâce aux efforts consentis par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, appuyé par des partenaires, à la fin du mois d'août, nous sommes passés de 800 000 cas de consultation à 388 cas de consultation à la fin du mois d'août. Même si le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, en collaboration avec ses partenaires, ont pu diminuer sensiblement le nombre des cas du paludisme, le porte-parole de ce ministère demande à la population de mettre en application des mesures préventives pour lutter contre cette maladie, et surtout que les premiers soins à base des médicaments amodiaquine et artisinate sont offerts gratuitement. La population doit avoir des messages clés pour pouvoir lutter efficacement contre le paludisme. Et c'est surtout l'utilisation correcte des milda, mais aussi autour des ménages, essayer d'enlever les eaux stagnantes, mais aussi débroussailler autour des ménages pour éviter que les moustiques puissent se multiplier autour des ménages. Le porte-parole du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a fait savoir que jusqu'en 2030, son ministère a l'objectif de réduire de manière sensible le paludisme. Didier Nyonzima, il est stagiaire et 10 patients restent hospitalisés dans le district sanitaire de Kabylie suite à l'épidémie de choléra, tandis que plus de 180 patients ont été traités et guéris. Le porte-parole du ministère de la Santé publique indique plutôt que 2 cas de choléra sont à signaler dans la région de Rumonge et Nyanzalak. Mais Tadin Dikoumana a fait savoir que ce ministère est en train de tout faire pour limiter la propagation de cette maladie. Suivez-le. Le ministère de la Santé publique a déjà mis en place des stratégies pour lutter efficacement contre cette épidémie. Sur le total de 189 cas de choléra enregistrés jusqu'à maintenant, 181 malades ont été traités et guéris. Et ici, je voudrais interpeller la population de Rumonge et de Nyanzalak, puisque nous avons déjà enregistré 2 cas, un cas provenant de Muhuta et un autre cas provenant de Mvugo dans Nyanzalak. Donc, pour que cette population puisse appliquer scrupuleusement les mesures d'hygiène, surtout le fait de consommer de l'eau potable et aussi utiliser les latrines là où il y en a et là où il n'y en a pas, essayer de les disponibiliser. Parce que, comme vous le savez, le choléra, c'est une maladie des mains sales. Donc, la propreté au quotidien au niveau de la population est primordiale. Mais sinon, nous rassurons la population que tous les intrants et les médicaments nécessaires pour pouvoir traiter les cas déclarés sont disponibles. Nous pensons que d'ici peu, on pourra éradiquer cette épidémie de choléra. Tade Ndekoumana, porte-parole du ministère de la Santé publique. Des maladies sales, on parle de la salubrité. Il s'observe en effet un manque d'hygiène généralisé dans la zone de Bouyenzi, à mairie de Bujumbura. Des eaux usées coulent de part et d'autre dans les rues de ce quartier. La population de ce quartier regrette qu'elle a avisé l'administration locale, mais que jusqu'à présent, rien n'a changé. Yves Ngonzimana a fait le constat. Arrivé au 9e, 15e et 20e avenue de la zone Bouyenzi à mairie de Bujumbura, des eaux venant des toilettes circulent de part et d'autre dans les rues de ce quartier. Les habitants de ce quartier expliquent que ce problème des eaux de toilettes date de mai 2015, comme celui-ci l'exprime. Depuis mai 2015 jusqu'à présent, nous avons essayé de trouver les responsables de la mairie. Ils nous ont renvoyés au CETEMO et le CETEMO nous a par la suite renvoyés à la mairie. Et depuis ce temps jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu de réponse. Cet habitant trouvé sur place en train de préparer des beignets tout près de cet endroit explique qu'il n'a pas voulu rester à la maison parce que cet endroit est pour lui un centre où il cherche de quoi manger. C'est vraiment un problème pour moi. Je viens de passer quelques jours sans travailler. Et quand tu n'as pas travaillé, tu vas utiliser le capital. Et demain, où est-ce que tu trouveras l'autre? C'est pourquoi je préfère retourner ici afin d'avoir de quoi à manger. La population de cette localité demande aux responsables de leur venir en aide afin de ne pas être victime des maladies liées au manque d'hygiène. Yves Ngonzimana, stagiaire à notre station, le chef de zone Bouyenzi reconnaît être au courant de cette situation et indique que l'affaire est maintenant entre les mains des responsables de la mairie.

grand problème qui a surgi au niveau de la coopérative de Yada. Il y a des voleurs qui ont passé à la coopérative pendant la nuit. Ils ont volé du café Polywest A numéro 1, 21 sacs. Ils ont utilisé la voiture Probox. C'était en date du 3 juillet 2016. Le procureur de Kayanga, en collaboration avec le procureur de Gorgi, ont fait tout pour appréhender ces voleurs le 29 août 2016. Nous demandons à la justice de s'impliquer beaucoup pour que le café culturel du ressort puisse être payé à temps. On voit que maintenant, 4 états seulement ont été saisis. Et on constate aussi que quand on ne paye pas, quand ces voleurs ne payent pas ces cafés déjà volés, on ne parviendra pas à payer les cafés qui sont de cette coopérative. Je lance vraiment un appel à la justice de faire tout pour que les cafés puissent être payés. Vous voyez que le gouvernement a déjà donné la date limite de paiement de tous les cafés qui sont, soit que les arriérés, soit que le paiement de cette campagne, la date limite était du 31 août 2016. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, alors que les violences continuent dans les rues de la capitale gabonaise, Jean Ping accuse Ali Bongo d'être un voleur, rappelant que le peuple gabonais a voté pour le changement. De son côté, Ali Bongo a félicité mercredi les Gabonais d'avoir voté dans la paix et la transparence, ce qui n'est pas de l'avis de la communauté internationale et de la mission d'observation de l'Union européenne. Plusieurs analystes ont également contesté les résultats de la région considérée comme le fief électoral d'Ali Bongo Ondimba, le Ho-Ogoué, où le taux de participation serait près de 100% selon les chiffres communiqués par le ministre de l'Intérieur. L'opposition gabonaise, l'Union européenne et les États-Unis ont demandé la publication des résultats de tous les bureaux de vote et le recomptage des voix bureau par bureau dans la province du Ho-Ogoué. La France, de son côté, a exhorté jeudi les deux parties à la plus grande retenue afin d'éviter de nouvelles victimes. Et le principal parti d'opposition de Tanzanie, le Chama cha Demokrasia, Chadema, a annoncé mercredi sa décision de différer d'un mois les manifestations qui devaient se dérouler ce jeudi dans tout le pays. Le Chadema a indiqué que les manifestations prévues pour dénoncer ce qu'il qualifie de tendance antidémocratique se tiendront le 1er octobre prochain. Son président Freeman Mbowe a souligné que la tenue des manifestations dépendra du succès ou non des négociations en cours sous l'égide des leaders religieux. Depuis son élection en 2015, le président Magufuli a multiplié les actions coup de poing et en style intransigeant. Il s'en est pris notamment à la corruption et aux fonctionnaires fantômes. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Je rappelle qu'un motard a été tué hier à Manda par des bandits qu'il transportait, qui lui ont volé sa moto et de l'argent. Et une autre personne a été tuée par ses voisins qui l'accusaient de sorcellerie à Bougenyuzi en province Karoozi. Et le paludisme a déjà fait 2500 morts en l'espace de 8 mois au Burundi, selon des chiffres communiqués par le ministère de la Santé, alors que 12 cas de choléra sont toujours signalés, respectivement 10 dans le district sanitaire de Kabezi et 2 cas dans les régions de Rumonge et Nyanzalak. Au chapitre éducation, des parents d'élèves n'ayant pas réussi l'examen de passage au cycle post-fondamental réclament la révision des critères fixés pour le redoublement. Ils trouvent en effet incompréhensible que la reprise de l'année soit permise à ceux qui ont échoué en classe et au concours, alors qu'elle a été refusée à ceux qui ont réussi les matières de l'année. Merci encore à vous tous qui avez suivi ce journal. Merci à François Akimana pour la mise en onde au micro. Jean Bosco, Ndouimana, une très bonne soirée.